Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coûts humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, le RER à 50 ans, une série documentaire de Christelle Le Polothek, réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a un anniversaire, un son reconnaissable et des souvenirs de foule à la gare Saint-Lazare. Il y a des paysages qui changent derrière la vitre, des trains bondés ou en panne, et puis aussi les 30 Glorieuses et le projet d'une mégapole tentaculaire et souterraine. Alors pour commencer, les personnages. Un historien de la RATP, une urbaniste à son aise, des architectes en pagaille, des travailleurs souterrains, un musicien qui tente, un visiteur passionné et un ancien du hip-hop. Ensuite, le décor. Des voûtes de la grandeur, des escalators, des centres commerciaux, l'air conditionné, la défense, une salle d'échange, l'acoustique, Montréal, le trou des Halles et des jonctions. Aujourd'hui, deuxième épisode, on creuse un tunnel. Bonjour et surtout de très bons voeux pour cette nouvelle année à vous toutes et à vous tous qui êtes des fidèles de notre rendez-vous du samedi. Pour ce premier numéro 1971 de notre magazine Rond-Point, nous avons choisi un sujet, je dirais, d'anticipation sur une forme nouvelle et un mode de vie nouveau en ce qui concerne les grandes cités, la vie souterraine. Sachez qu'en l'an 2000, il y aura un habitant au mètre carré sur la surface du globe. Il ne sera donc plus possible de vivre uniquement en surface. Depuis près de 40 ans, des techniciens se sont d'ailleurs penchés sur ce problème, imaginant les solutions les plus diverses pour un habitat souterrain, qui répondait d'ailleurs à des préoccupations diverses suivant les pays. Ainsi, à Montréal, sous la place Ville-Marie, où existe une véritable petite ville, c'était au cœur de l'hiver canadien enneigé le seul moyen, évidemment, de poursuivre un mouvement commercial. À Tokyo, où le futurisme est encore plus développé, ce sont le manque de place et surtout la pollution atmosphérique qui ont provoqué la naissance d'une vie souterraine de plus en plus développée. Et nous commençons à connaître aussi en France ce phénomène. Alors, qu'a-t-on réalisé dans ce domaine? Quelles sont les conséquences psychologiques, psychiques et physiques d'une vie souterraine? Eh bien, c'est le thème que va développer pour vous Jean-Claude Narcy sur des images en couleur de Maurice Romero. Des stations comme des villes souterraines. Je regarde les photos de l'époque et tout me revient. La couleur orange, omniprésente dans le RER, les distributeurs de tickets avec les fentes pour les différentes pièces de monnaie et les cabines téléphoniques aussi, rondes, comme des casques de moto, pour s'isoler du brouhaha extérieur. Je me souviens de cette sensation de modernité qui s'éternit avec les années. Petit à petit, l'humidité s'est infiltrée dans les couloirs de la gare d'Aubert, laissant des traînées visqueuses et marronnasses. Et puis, il y a eu les rénovations du nouveau matériel qui n'allait pas du tout avec le décor, et on a fini par complètement oublier à quel point c'était beau au début. Alors, pour s'en rappeler, voici une plongée underground dans les dédales du RER façon 70s, où l'on retrouve les igloos et la voûte céleste d'Aubert, les confessionnaux de la Nation et la création d'un temple du commerce souterrain à la Défense. Avec tout d'abord Thomas Galicchio qui nous présente les stations cathédrales. Pour les aménagements intérieurs de la gare, donc la RATP fait appel aux architectes, mais a quand même une idée en fait des espaces qu'elle veut montrer au grand public. C'est l'idée d'avoir des grands palais pour toutes les classes sociales. On parle de station cathédrale, c'est ça? On parle de station cathédrale par ses volumes monumentaux et encore plus à Aubert, Étoile et Nation parce qu'elles sont construites en souterrain avec des énormes voûtes au sein des espaces. Deux types de stations étaient en concurrence, avec d'un côté Christophe Girondeau, qui était une personnalité du ministère des Transports, qui lui défendait des stations tubes à moindre coût, de type londonien, avec un grand quai central et des accès disposés sur ce quai central. La RATP, elle, défendait plutôt avec Pierre Veil des stations monumentales qui, dans une logique de prospective et d'augmentation du trafic, pourront accueillir un flux de voyageurs important. Il y a eu un voyage important, Thomas Galicchio, pour la conception de ce RER, c'est Montréal. Alors, à cette époque se construit les souterrains de Montréal. À partir de 1962, la RATP est missionnée pour réaliser le métro de Montréal. Et la mairie de Montréal avait cette idée en tête de pouvoir identifier chaque station avec une architecture qui lui est propre. Donc on peut supposer que ce type de raisonnement ait influencé le modèle français du RER par la suite. On peut retrouver également une théorie assez forte, je parlais des souterrains de Montréal, ce qui s'appelle le réseau, qui est un complexe doté de commerces et de couloirs qui permettent aux habitants de passer d'un point A à point B sans sortir d'un espace confiné en raison de températures extrêmes. Et sur le réseau express régional, l'idée fait son chemin. Chaque gare aura son identité en matière de commerce et de services déployés pour le voyageur. À la Défense, ça prendra la forme d'un drugstore et de plusieurs commerces, donc dans ce qui s'appelle maintenant le cœur transport. Et à Aubert, de marcher sur une place publique. Il y a toujours cette allégorie à la vie de surface qui se retrouve en souterrain. Ici, comme aux Champs-Élysées, rencontre de l'urbanisme souterrain et du commerce. De toute façon, les centres commerciaux vivent en vase clos à la surface de la terre. Ils tiennent souvent beaucoup de place, d'où l'idée de les installer en sous-sol. Le complexe de la Défense, qui est entièrement géré par la RATP, est l'un des ouvrages les plus importants jamais réalisés sous terre. Pour le public qui fréquente l'immense galerie marchande de la Défense, c'est avant tout le RER avec les possibilités qu'il offre aux habitants de la banlieue ouest de la capitale. Enfin, les visiteurs des différents salons du CNIT apprécient de se rendre de l'Étoile au Palais de la Défense en 4 minutes de trajet. Nous avons surtout pensé à pouvoir apporter ici aux gens qui viennent de province et ceux qui ont peu de temps pour faire du shopping, tout ce dont ils ont besoin. Vous avez 3 ou 4 magasins de mode, vous avez des magasins de chaussures, vous avez un parfumeur, vous avez un très bon endroit où on peut traiter la peau et les soins des cheveux, vous avez un endroit où vous pouvez apporter votre courrier et qu'on vous tape, c'est un service intérimaire qui est parfaitement adapté aux besoins. Vous avez un centre qui s'occupe de tout ce que vous pouvez faire comme programme en promotion et en voyage à travers la France et dans 6 villes de France particulièrement. Vous avez des clés minutes, vous avez un épicier parfaitement agencé, vous avez aussi un habilleur, un cinéma. Vous habituez-vous à cette ville tôt? Oui, très bien, mais j'ai deux inconvénients. La lumière qui me provoque, j'ai très mal aux yeux. Et ensuite, j'ai très très soif. Mais enfin, ce ne sont que des petits inconvénients parce que c'est une vie très agréable, très relaxante, parce qu'il n'y a pas de bruit. Est-ce que vous êtes heureuse de vivre ici? Oui, je suis parfaitement heureuse car en réalité, nous respirons un air très pur car l'air est pris dans les pelouses de l'avenue Foch. Et nous avons l'air conditionné. Nous sommes assez loin de la station service, donc nous n'avons pas cet air pollué des voitures. Oui. Notamment l'été, nous n'avons pas cet inconvénient lorsque vous ouvrez les fenêtres de ne pas vous entendre, car nous sommes parfaitement au calme. C'est ça. Donc là, on arrive dans la gare de la Défense. On est vraiment au pied de l'Arche, c'est ça. Et on rentre directement donc dans cet espace monumental, puisqu'il comprend ensuite tout un réseau de commerce, de liaisons. Oui, absolument. Donc on a l'aménagement de cette gare souterraine, donc qui passe littéralement sous le parvis de la Défense. Donc c'est ce qui va expliquer sa structure particulière, symétrique et compacte. Marine Buffat, urbaniste. Et qui communique avec le dédale commercial des Quatre Temps, qui est un centre commercial immense, hein, qui se déploie sur plusieurs milliers de carrés de galeries commerciales, et donc est destiné, on va dire, à une classe moyenne et plutôt aisée, hein, correspondant à la population en fait, qui fréquente le quartier de la Défense. Donc ça, c'était le projet dès le début, c'était de faire une de ces premières gares qui soit aussi des lieux de vie, en tout cas des lieux d'achat, de commerce. C'était vraiment dans le projet initial. Oui, c'est ça. Un projet urbain, hein, qui est représentatif de la modernité, hein, avec donc ce qu'on a vu sur le quartier de la Défense, c'est-à-dire une architecture de type international, de gratte-ciel, un monument colossal, hein, qui est l'Arche de la Défense, hein, qui est... en termes de performance de l'ingénierie, une prouesse à la fois technique et architecturale, et puis dotée d'un très beau design, très épuré aussi. Et cette infrastructure souterraine qui se lie à un centre commercial, donc qui est une sorte de locomotive commerciale économique pour également pour le quartier. Donc on a là voilà, plusieurs éléments types, on va dire, du capitalisme contemporain, hein, le centre commercial, les réseaux de transport, le quartier de gratte-ciel et le tout fonctionnant ensemble, hein, de manière circulaire. Alors, je suis arrivé par l'Étoile et j'ai pris le RER et nous sommes arrivés à peu près en 4 minutes. Lorsque nous arrivons à la Défense par l'escalier mécanique, à ce centre commercial, nous avons un contrôle automatique de billets et nous sommes frappés en haut des marches mécaniques par un écran géant qui fait de la publicité pour diverses marques. Reportage du 20 avril 1970. Nous sommes au centre commercial du métro Défense en compagnie de Monsieur Tordeau qui a conçu et réalisé ce centre. Ce centre comporte trois pôles principaux d'attraction, le drugstore. À l'autre extrémité du centre, un shopping Félix Potin qui comprend, outre le rayon alimentaire, ce qu'on est convenu d'appeler un cinquième rayon, c'est-à-dire bazar et nouveautés. Ces deux pôles sont reliés entre eux par des boutiques multiples. Et en face de ce centre commercial se trouve sur une mezzanine et se déploie sur une surface de 1300 m2 un centre de matériel de bricolage. Quel est le but de ce centre ? Les buts de ce centre, car il y en a de multiples. D'abord, procurer aux usagers qui passent un long temps dans les transports en commun le maximum de services dont ils ont besoin tous les jours. Achats banaux et même quelques achats un peu anomaux comme ceux qu'on peut faire au drugstore. Deuxièmement, intégrer le métro dans l'urbanisme parisien, faire que le métro ne soit plus un lieu à part, mais qu'il soit relié à la vie de surface. Nous avons visité ce centre qui nous a paru à nous assez grand, même grand, et vous nous avez dit que dans 3 ans, il serait trop petit. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? C'est parce que la Défense prend de jour en jour un développement considérable. De multiples tours, dont une tour d'au moins 225 mètres haut et qui comportera 200 000 m2 de plancher, s'érige. Et il est bien évident que ce n'est pas avec un complexe commercial de 5 à 6 000 m2 qu'on va pouvoir satisfaire la clientèle nombreuse vont pouvoir procurer toutes ces tours. Quand on est sur le parvis de la Défense, donc là on a une vue sur le fameux axe historique de Paris, hein, qui date d'une ancienne voie royale, hein, qui date de Louis XIV, et donc qui va relier le Louvre à la Défense en passant par donc l'Arc de Triomphe, les Invalides, hein, donc des grands monuments qui sont représentatifs de l'histoire de Paris. Et sous cet axe passe précisément la ligne A. Hein, donc c'est amusant de remarquer cette superposition en fait des infrastructures et de l'histoire. Et donc l'allée donc de la Défense qui se trouve dans le prolongement de cet axe historique, qui fait à peu près 1 km de long, donc l'esplanade de la Défense, est bordée donc de ces gratte-ciel qui accueillent donc des grandes banques, des sociétés d'assurance, donc des activités essentiellement financières, également des grands fleurons industriels français. Donc on a notamment la tour EDF et Areva. Et donc au milieu, vous avez un jardin qui est empli de sculptures d'art moderne. Vous avez du Calder, du César et du Miro notamment. Pour les premières stations du RER, la RATP avait fait appel à de grands noms de l'architecture. Pierre Dufaux, à l'Étoile, avait dessiné une froide station de marbre. Henri Vicario, à la Défense, un vaste hall très gris, que ne pimentent pas suffisamment les sièges rouges. Auguste Arsac, à Nanterre Préfecture, un amusant collage de couleurs vives. Et André Vojanski, à Aubert, de diaboliques couloirs rouges et bleus, assez sombres, qui rendent au métro sa vraie nature de caverne. Le Monde, 9 décembre 1977. Nous retrouvons au moment où un métro entre en gare d'Aubert, Opéra, Havre, Caumartin. Nous nous retrouvons dans cette station nouvelle de la RATP que tous les Parisiens, tous les étrangers de passage à Paris, tous les provinciaux de passage à Paris pourront découvrir à partir de mardi 10h du matin. Monsieur Pierre Veil, vous êtes directeur général de la RATP. C'est sous votre impulsion qu'a été construite cette station Aubert, que l'on peut qualifier comme l'une des plus belles du monde, si ce n'est la plus belle du monde. Ben, je l'espère, en tout cas, disons qu'elle est belle, et que j'espère qu'elle correspondra à la fois aux besoins des populations et à ce qu'ils peuvent souhaiter, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les années à venir. Mais la station Aubert est construite sous la chaussée de la rue Aubert, sous une ligne de métro qui est le Valois-Lila-Gallieni, qui n'a jamais été arrêté même une heure pour la construction de la station qui est en dessous. Elle est sous les immeubles de chaque côté de la rue Aubert, et le tout dans l'eau. C'est dire que si on avait voulu accumuler les difficultés, on n'aurait pas fait mieux. Monsieur le directeur général, beaucoup de Parisiens, en voyant cette station et les plans qui ont été publiés par les journaux, ont vu que vous aviez creusé très profondément et qu'il y avait décidément dans cette région de Paris beaucoup de trous. Alors, de temps en temps, dans le métro, ailleurs qu'à Aubert, mais peut-être l'entendra-t-on à Aubert aussi à partir de mardi, certains Parisiens se demandent si tout ça, ça ne va pas un jour ou l'autre s'écrouler. Mais j'espère bien que non, et nous avons fait ce qu'il faut pour que ça ne s'écroule pas. Quand on fait quelque chose, c'est fait pour durer et non pas pour prévoir des catastrophes. Et en tout cas, je n'ai aucun goût à attacher mon nom à des catastrophes ou à des situations désespérées. Et heureusement, jusqu'à maintenant, il en a été ainsi, et j'espère bien que tant que je serai là, il en sera de même. Au niveau de l'entrée principale de la gare d'Aubert, qui a été initiée par l'architecte André Vojanski, un ancien bras droit de Le Corbusier, qui après a pris son indépendance et a fondé sa propre agence et aussi a développé sa propre théorie, qui est mise en œuvre dans la gare d'Aubert. Donc, je vous propose qu'on fasse tout un parcours qui retrace un peu toute la logique des espaces de la gare d'Aubert. Alors on vous suit à l'intérieur. Alors. Ici nous prenons donc l'escalator pour descendre dans la grande nef centrale de la gare d'Aubert, qui est autant une prouesse technique qu'une prouesse esthétique. On se situe dans la nappe phréatique avec un complexe étanche. Et on est au-dessus d'un des grands collecteurs d'égouts de Paris qui est le collecteur de Clichy, en dessous du lac de l'Opéra, donc un milieu très humide. Et pour complexifier le tout, juste en dessous du tunnel de la ligne 3 du métro parisien. La gare d'Aubert a été conçue d'une certaine manière où on sépare par niveau les flux entrants des flux sortants. Ça permet justement une fluidité dans le parcours. On peut qualifier cet espace de machine à circuler. Donc cette nef centrale a une allégorie assez belle à l'origine. C'est-à-dire que André Vojanski, pour qualifier cet espace, parlait de voûte céleste inversée. C'est-à-dire qu'on avait un plafond immaculé blanc recouvert d'émaux de Briard. Donc c'est un matériau, un carrelage à carreaux facettés. C'était des petites pastilles rondes choisies pour épouser parfaitement les courbes de cette grande voûte, de cette nef. On peut admirer toute la perspective qu'offre la gare. Actuellement, elle est un peu encombrée par les travaux de rénovation actuels, mais on peut voir un volume, donc une longueur de 225 mètres et une largeur également importante pour pouvoir offrir à 50 000 voyageurs jour dans chaque sens des espaces où ils peuvent circuler assez librement. L'idée principale de cet espace a été également d'initier un parcours architectural, c'est-à-dire qu'on va avoir une succession de dilatations et de compressions. On a été accueilli par une grande salle. On est descendu par des espaces assez étroits où la seule largeur est celle de l'escalator. Et on arrive dans cette respiration immense qui est la grande salle d'échange de la gare d'Aubert. Et ça, donc, c'était une volonté de l'architecte. Parce que quand on est usager, on a l'impression, voilà, juste d'un labyrinthe immense et complexe. Et en fait, c'était, en tout cas, dans cette variation des espaces, c'était une volonté au départ. C'était une volonté de départ, non seulement de l'architecte, mais aussi de la RATP, de tester un nouveau dispositif de gare. Parce qu'à l'époque, les stations courantes étaient des stations de métro avec des accès en bout de quai et une grande voûte au niveau de ces quais. Ici, on a le niveau des voies qui est séparé par une mezzanine de la grande voûte centrale. Et ce dédale, en fait, a permis de créer ces différents espaces. On va voir la salle d'échange, alors ? Oui, exactement. N'y en déroute ou pas. Pas de verre, n'y en déroute ou pas. C'est Niemboé Guarani de Maria del Pilar, une prière guarani. Et Raul Barbosa terminera son récital par Tren Espresso, avec une musique qu'il a composée lui-même. Il faut dire à nos auditeurs, qui n'ont peut-être pas l'habitude d'entendre de la musique comme ça, dans une espèce de rumeur, il faut vous dire, vous qui écoutez France Musique de la Corrèze ou du Finistère, que nous sommes dans l'endroit qui est l'endroit le plus important pour les Parisiens et pour les Franciliens, c'est le métro. Le RER. Le métro, plus précisément le RER, nous sommes dans la salle d'échange d'Aubert. Aubert, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers de la capitale, c'est un grand nœud de communication entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Et il y a une salle d'échange parce que pour passer du réseau métropolitain, comme on disait autrefois, eh bien, au réseau RER, c'est-à-dire express régional, il faut des couloirs, des grands couloirs que nous, à Paris, on aime beaucoup, même si on trouve qu'ils sont trop longs des fois. Pour la RATP et les architectes de l'époque, prendre le RER doit être une expérience esthétique totale. Les dédales anxiogènes, rehaussés de couleurs vives, débouchent sur la salle d'échange, conçue comme un lieu de passage pour des milliers de voyageurs, mais aussi comme un lieu de vie et de culture. À vrai dire, les lieux de vie sont surtout des galeries commerciales, mais il y a eu des tentatives, notamment à Aubert, pour faire des gares RER de véritables salles de spectacle. Avec la venue du cirque Pinder ou encore ce concert de Xenakis lors du festival estival en 81, comme en témoigne ce reportage du panorama de l'époque sur France Culture. La musique de Xenakis s'installe dans tous les lieux, sous les étoiles ou dans le métro. C'est toujours la libération des forces primitives du son, ces mouvements de masse en évolution, le résultat d'un calcul conjugué à l'instinct. De cette œuvre de granit jaillit souvent la violence la plus sauvage même, comme dans Psapha, joué par Silvio Gualda à la station Aubert il y a quelques mois, en présence de Xenakis, qui nous disait alors ce que représentait pour lui une telle audition dans le métro. Enfin, mettre la musique à portée du grand public, de partout. Parce que ma musique est faite pour. Oui, mais vous n'aviez pas destiné cette œuvre à cet endroit souterrain quand même. Une œuvre peut être jouée pas à n'importe où, mais à des endroits où il y a une bonne, relativement bonne acoustique et surtout là où il y a du monde qui s'intéresse. Que pensez-vous de l'acoustique du RER ? Elle a des qualités, elle a des défauts. Ça porte bien le son n'est pas bouffé, mais il y a des échos un petit peu gênants parfois. Est-ce que vous penserez à l'avenir à concevoir une œuvre en fonction même d'un lieu comme celui-ci, le RER ou le métro ? Peut-être, peut-être. Si on me le demande, j'y réfléchirai. En tout cas, c'est une œuvre spectaculaire qui se prêtait très bien à ce genre de manifestation populaire, non ? Oui, j'espère que ce n'est pas seulement une œuvre spectaculaire, mais c'est une œuvre tout court. Ah bah, je trouve que c'est très bien, hein. ça met de l'ambiance. De toute façon, Robert, il y a toujours quelque chose. Hein. Moi, je vais à l'école dans le coin, je savais qu'il y avait quelque chose, et ben, je suis venu voir. Vous savez ce que vous avez entendu ? Vous connaissez le titre ? Ah non, pas du tout. La gare d'Aubert est interconnectée à deux stations de métro du réseau parisien de transport, la station Opéra et la station Havre-Caumartin. Ces deux stations sont reliées à la gare d'Aubert par de longs couloirs rouges qu'on peut apercevoir en perspective. Là, on est sur une mezzanine, hein, c'est ça ? Là, on est sur une mezzanine d'accès de la gare d'Aubert, c'est-à-dire une logique de flux entrant. Donc le voyageur est accueilli par une couleur rouge qui a un rôle d'éveil, de contrer ce sentiment de claustrophobie qui était la grande crainte de la RATP et des architectes, que ce soit Pierre Dufaux à Étoile, que ce soit Henri Vicario à La Défense, que ce soit Alain Bourbonnais à Nation ou encore André Wojanski à Aubert. Donc ce voyageur est accueilli par des longs couloirs rouges et il accède à ce grand volume de salles d'échange recouvert de ces carreaux facettés blancs. Et par la suite, il accède au niveau des quais par des espaces étroits de part et d'autre de la salle d'échange qui sont de couleur bleue. Donc à l'origine, c'était une variation de trois bleus, du plus foncé au plus clair, en fonction de ce que l'on montait. Et après, le voyageur pénétrait dans l'espace des quais et qui suivait une logique spécifique qui est celle du modulor. Fabrice Lardon, vous êtes l'auteur de Le RER, nos lignes de vie, paru en 2018. Vous vous souvenez, vous, de votre premier trajet en RER ? Oui, c'est très très clair pour moi. Enfin, je raconte au début du livre, en fait, mes parents travaillaient à la RATP et ma mère, en décembre 77, donc en fait peu de temps après l'inauguration officielle par Giscard d'Estaing, m'a emmené visiter, parce que ça s'appelait comme ça, enfin, dans mon esprit, le RER. Donc on est parti d'Antony, où j'habitais à l'époque chez mes parents. Et puis, surtout, on a pris le trajet, on a fait la ligne A, c'est-à-dire qu'on est parti de Nation pour aller jusqu'à Champs-Élysées. Et donc je me souviens très très bien j'avais 12 ans, donc c'est un souvenir à la fois clair et en même temps que j'ai reconstitué au fil du temps. Mais je me souviens très très bien des sensations d'abord de vitesse, c'est-à-dire que je me revois sur un strapontin comme ça, filant à toute allure dans un tunnel avec les lumières qui défilaient à grande vitesse. Et puis après, donc, on a visité ce qu'on appelle les stations cathédrales. Et donc, on a été dans l'immense dôme à Aubert, sous l'Opéra, avec tout ce petit village de dômes en plastique, moi, qui m'a vraiment évoqué Voyage au centre de la Terre, enfin, dont j'avais vu l'adaptation au cinéma à l'époque. Et donc, en fait, j'en garde un souvenir émerveillé, magique, parce que ce trajet et ces immenses constructions, les salles d'échange après des halles, vraiment pour moi était directement relié, ne faisait pas de différence avec les films, les séries de science-fiction que je regardais à l'époque, c'est-à-dire La Guerre des Étoiles, Cosmos 1999, toutes ces choses qui arrivaient à ce moment-là. Moi j'avais vu La Guerre des Étoiles au cinéma au Grand Rex, c'est un grand souvenir de gosse. Et donc voilà, j'ai gardé des souvenirs d'une espèce de modernité comme ça qui surgissait, c'est resté quelque chose de durable en fait pour moi, qui évidemment aujourd'hui, plus de 40 ans après, peut paraître bizarre, anachronique et en tout cas très différent d'expérience quotidienne qu'ont les usagers que je suis du RER. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Toutes les gares ne seront pas les mêmes, leur architecture sera différente. Tournée vers l'an 2000, ces gares seront claires, agréables, où l'automatisme sera froid. À Vincennes, par exemple, où est installé un poste de commande et de contrôle, comptant parmi les plus perfectionnés et les plus modernes. Les anciens couloirs de la Nation étaient monochromes et généralement blancs. Désormais, les couloirs seront plus larges, décorés d'arcades de céramique rose, rouge, beige, bleu, gris, orange. À la Nation, le chef de gare dans un poste de contrôle spatial, pourquoi pas. Des sièges futuristes, ils sont l'œuvre de Monsieur Bourbonnais, architecte qui nous explique sa conception d'une station de métro. Quelle est l'importance de la lumière? Toujours le même problème, problème d'ambiance. Le problème est de faire oublier qu'on est dans un monde souterrain, donc de traduire une atmosphère très lumineuse, très ensoleillée. Et il ne fallait qu'on voit aucun point lumineux qui traduise qu'on est dans un local où il est nécessaire d'éclairer. C'est donc que toutes les lumières seront pratiquement cachées. Absolument, intégrées à l'architecture. L'architecture elle-même est lumineuse. L'un des exemples, ces parois sont éclairées en arrière, par l'arrière. Elles sont en polyester et on oublie absolument qu'on est dans un monde souterrain. On n'a pas à savoir qu'il pleut la nuit, le jour. J'ai préféré toujours installer le voyageur dans une ambiance agréable. Parlez-moi un peu de la voûte de la station elle-même, alors c'est-à-dire où passent les trains. Je crois qu'elle a une petite particularité. Oui, je me suis appliqué d'une façon générale à mettre en valeur les structures du gros œuvre. Et cette voûte est très belle à mon sens, et j'ai choisi la mettre en valeur par des projections lumineuses qui elles-mêmes pourraient varier avec les heures de la journée, même les saisons. Finalement, on peut très bien, il est facile de comprendre qu'en plein été, on peut souhaiter un endroit, se retrouver dans un endroit frais. Alors on projetterait des lumières de couleur dans des verts, dans des bleus, pour rafraîchir l'atmosphère. La psychologie joue un très grand rôle. Absolument, absolument. Je me suis mis à la place. J'aimerais quoi trouver en prenant le métro? Simon Texier, vous êtes historien de l'architecture et vous nous avez donné rendez-vous ici à la station Nation. Oui, à Nation, cette belle place de la Nation qui vient d'être réaménagée et sous laquelle une station de RER est l'une des plus remarquables, a été aménagée au début des années 70 pour relier l'Est, le Grand Est parisien au centre de Paris, puisque la station Nation se prolonge ensuite vers Gare de Lyon et puis rejoint l'interconnexion des lignes A et B à la station Châtelet-Les-Halles. Alors, il y a quand même cette différence, je trouve, par rapport à d'autres gares de RER. Il y a très peu de commerce à Nation, alors qu'on a l'impression que Châtelet, La Défense, voire Aubert sont vraiment pensés comme des lieux de vie, de passage et de vie. À Nation, on le ressent moins. Oui, tout à fait. Je pense que il faut se remémorer aussi ce qu'est l'Est parisien dans les années 60-70. Le faubourg Saint-Antoine n'est pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, même la place de la Bastille. Donc on est encore simplement à l'entrée de Paris. Hein. On arrive de Vincennes et Nation, qui a quand même été pensée par Alain Bourbonnais, son architecte, comme une œuvre plastique, elle est sous une place qui est encore assez calme, hein, qui est plutôt un carrefour depuis quelques décennies à ce moment-là. Ça a été une place importante dans l'histoire de France, hein, dans l'histoire de Paris, cette place de la Nation, place du trône, puis place du trône renversé. Il y a eu un arc de triomphe éphémère qui a disparu, donc il y a eu des événements quand même importants sur la place. Mais le quartier de la Nation n'est pas un quartier très fréquenté. Et à ce moment-là, c'est vrai que la gare souterraine est totalement dépourvue de commerce et d'animation, et l'animation elle est seulement plastique, colorée, architecturée. Et bien alors, on va vous suivre, Simon Texier. Descendons dans le RER. Là, on descend les escaliers qui conduisent donc de la place de la Nation côté boulevard Voltaire, donc vers le RER. Et l'entrée, qui a heureusement été préservée, et je pense qu'elle elle le sera, est marquée par des petits pavés de marbre ou 6 mm marbre, incrustés ou creusés par des petits cabochons circulaires. Donc c'est vraiment une entrée typiquement années 70. Ce côté graphique, ça c'est vraiment un marqueur important de cette esthétique qu'a insufflé le RER à travers différentes stations. Tout ça, voilà. Là, a priori, c'est d'origine, c'est-à-dire ces petits carreaux. Il y a cette polychromie douce, assez pastel des carreaux, des couloirs, bon, qui est assez discrète. Puis ensuite, on rentre dans la salle des guichets, dans l'espace RER. Et là, le travail plastique est plus appuyé. Hein. Il y a vraiment ces plaques de métal orange et jaune. Il y a aussi un travail sur la lumière, bon, qui a forcément un peu évolué. On est vraiment très proche de l'esprit Vasarely, hein, qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, parce qu'on apprend à reconsidérer cette génération de plasticiens qui jouait beaucoup sur la géométrie, sur les effets de couleur, sur les effets d'optique, hein, l'art optique, l'art cinétique. Tout ça était une composante à part entière de ce travail des plasticiens sur les espaces de travail et de la vie quotidienne. Et c'est vrai qu'on voit que Bourbonnais d'ailleurs l'a écrit, hein, il propose de remédier à ce que pourra être l'angoisse de parcourir ces grands couloirs. Peut-être passer par là-bas, par ce fameux couloir ventilé. Nous sommes dans le grand courant d'air du RER, plus qu'encore que dans le métro. La longueur des couloirs provoque des effets assez spectaculaires. Et c'est le prix à payer pour passer à la grande vitesse du RER. Donc là, on est sur les quais. Là, à Nation, quel était le projet de départ de l'architecte ? Alors Alain Bourbonnais, donc, qui a conçu la totalité de ces espaces, a proposé d'accueillir le passager, hein, en dessinant des sièges d'attente qui étaient en fait comparables à des stalles, stalles d'église, presque des petits confessionnaux qui sont ouverts les uns sur les autres. Tout ça de couleur rouge, plastique, un rouge assez sang de bœuf, et ça donnait une véritable ambiance très très particulière à cette station. Et ça fait vraiment partie de l'ADN de la station Nation, de même que la typographie, l'écriture du mot Nation, du mot Aubert, du mot Charles de Gaulle étoile ou la Défense, tout était conçu comme une œuvre globale. À tel point que même le matériel technique est conçu comme une œuvre en tant que telle, puisque les câbles d'alimentation électrique sont des structures tridimensionnelles. Elles étaient très à la mode là encore dans les années 60, un véritable petit bijou d'ingénierie. Ça donne justement, parce que la station est dissymétrique, cette station Nation est très longue et relativement large, mais il se trouve que l'un des deux quais est deux fois plus important que celui d'en face. Ah, donc cette dissymétrie va être compensée par ce travail sur le maintien des câbles d'alimentation. Stations qui ont été pensées d'une toute autre manière dans Paris, ça va être Châtelet et Gare de Lyon. Exactement. Leur construction intervient plus tard. En 1969, le projet de réseau express régional est remis en cause pour des raisons budgétaires. La jonction entre Aubert et Nation n'a failli pas se faire. Il y a même un métro à petit gabarit qui a été à un moment envisagé. Le projet est relancé donc en 1972, il me semble, mais avec une contrainte budgétaire très forte. Pour les stations, on ne fait plus appel à des architectes. La maîtrise d'œuvre est entièrement assumée par la RATP, avec des codes qui sont mis en place par Paul Andreu ou des personnalités comme Joseph André Motte. Et ces ouvrages sont creusés à ciel ouvert, contrairement aux stations Aubert, Nation et Étoile, qui sont creusées entièrement en souterrain avec un puits d'accès. Cette méthode de construction à ciel ouvert a été plus traumatisante pour les Parisiens parce qu'elle a nécessité la démolition des Halles Baltard. On ne renie pas non plus tous les dispositifs qui ont été testés à Aubert, avec des accès disposés tout au long du quai. Mais on réduit les coûts avec un quai central, un peu sur la logique de Christophe Girondeau, avec ses stations tubes, mais là remise au bout de la station à ciel ouvert, creusée à ciel ouvert. Dans ce gigantesque chantier au cœur de Paris, la première réalisation souterraine s'achève avec l'ouverture de la station Châtelet-Léal. Véritable plaque tournante du réseau express régional, cette station est la plus grande du monde. D'une superficie de 2 hectares, dont près de la moitié réservée aux seuls services techniques, cette station pourra accueillir jusqu'à 80 000 personnes aux heures de pointe. Ici, tout est à l'image du gigantesque et du futur, ce que traduit bien quelques chiffres significatifs. 52 escaliers roulants, 120 caméras de télévision qui surveillent constamment la station, qui est en outre ventilée par 2 centrales, traitant chacune 1 million de mètres cubes d'air à l'heure. Au niveau des quais, l'infrastructure a été réalisée pour recevoir également les trains de banlieue SNCF passant du réseau Nord au réseau Sud-Est. Mais cette interconnexion ne sera complètement réalisée qu'en 1984-85. Philippe Ventéjol, vous avez travaillé 40 ans voilà, à la RATP. On vous retrouve ici donc, dans la gare de Châtelet-Léal, devant les fameuses statues qui donnent sur la sortie du forum. Alors je suis effectivement arrivé il y a 40 ans à la RATP, un peu plus d'ailleurs puisque c'était quelques jours après l'inauguration de cette gare lorsqu'a été assurée la jonction entre les deux parties qui existaient du RERA, donc qui est vraiment devenu le RERA à ce moment-là, et qu'ils ont été rejoints dans cette gare par le RERB. Alors cette gare, vous vous en souvenez sûrement, c'est le fond du trou des Halles. Donc dans toutes les années 70, il y a eu des débats intenses sur qu'est-ce qu'on va faire de ce trou des Halles. En fait, dès l'origine, on savait exactement ce que ça allait devenir, en tout cas le fond, puisque c'était vraiment ce projet qui était en perspective, et cette gare qui se trouve maintenant au cœur d'un système de transport extrêmement vaste, puisque sont reliées au travers de cette gare plusieurs lignes de métro sur un territoire qui s'étend des quais de la Seine, avec la ligne 7, jusqu'à l'église Saint-Eustache au nord. Alors Châtelet-Léal, c'est aussi devenu, dans ce trou, un millefeuille. Un millefeuille avec donc les quais tout au fond, la salle d'échange où nous sommes, qui est relativement basse de plafond, hein, vous avez pu le voir, et qu'il a été un peu difficile d'aménager pour le rendre fluide, lisible, assez simple d'usage, puisqu'il y a une forêt de piliers qui portent l'ensemble. Donc il y a vraiment eu des réflexions assez poussées sur la question, d'une part au moment de la création de la gare, et puis au moment où elle a été entièrement rénovée ces dernières années. Au-dessus, dans la partie haute du millefeuille, vous avez le centre commercial, et puis tout au-dessus, vous avez donc la surface qui a fait objet, comme vous le savez, d'une multitude de projets et de débats extrêmement vifs avec un projet qui a émergé ces dernières années, qu'on appelle la canopée. La station quand même emblématique pour moi du RER et de l'Île-de-France, ça reste Léal. Fabrice Lardron. Parce que pour tout Montluçard, en l'état d'un réseau qui est en étoile aujourd'hui, c'est pour nous tous le moyen incontournable d'aller à Paris et d'aller dans d'autres banlieues. C'est, pour moi, c'est quasiment l'hypercentre et de Paris, si ce n'est de la région Île-de-France. Et puis, dans sa symbolique, dans sa topographie, les Halles, en fait, symbolisent à peu près ce que le RER devient ou les grandes gares, c'est-à-dire un mélange entre le transport et le commerce. Les grandes gares, et on voit aussi les travaux et les polémiques sur la gare du Nord en ce moment, les grandes gares deviennent maintenant des centres commerciaux où non seulement on commute, comme on dit, pour changer de ligne, mais dans lesquels le Forum des Halles est quasiment le parachèvement de tout ça. Donc pour moi, les Halles sont un petit peu, comme je pense pour beaucoup de banlieusards, une station importante parce que c'était souvent un lieu, une destination pour lesquelles on se rendait tous pour aller au cinéma, pour aller au Forum des Halles, dans les boutiques. D'ailleurs, j'y passe tous les jours. Enfin, en tout cas, je passe en dessous du Forum des Halles tous les jours. Donc c'est une station avec laquelle j'ai un rapport particulier, presque parfois d'ailleurs de rejet et de fascination parce qu'on n'a pas forcément envie d'y rester, mais on est obligé d'y passer. Où la Manse, Mazou à l'époque? À Corbeil-Essonne, dans une cité qui s'appelait Montconseil à l'époque. Nous, dans un premier temps, on a plus investi le centre commercial des Vieilles Couronnes, puisqu'il se trouvait à proximité directe de nos villes, Corbeil, Évry, Grigny, Vigneux, Risse, etc. Et ensuite, on montait régulièrement à Paris parce que tout le mouvement hip-hop de l'époque s'y déroulait, tout simplement. Hein. Donc du coup, forcément, on a été amené, pour ce qui est dans Paris, passer par la gare du Nord, gare d'Austerlitz, la gare de Montparnasse, la gare du Nord très fréquemment, et ainsi de suite. Et plutôt gare du Nord que Châtelet, en fait? J'avais l'impression que Châtelet, c'était vraiment le... Oui, Châtelet, parce que tous les chemins mènent à Châtelet. Donc vous avez la plus grande jonction de lignes de métro, de RER certainement. Gare du Nord également, parce que c'était plus souvent dans le Nord, parce qu'ils étaient quand même plus investis et plus avancés dans leur ancrage dans le mouvement hip-hop de l'époque que la banlieue sud. Les Parisiens et les banlieusards qui transitent tous les jours par la gare du Nord n'imaginent pas quel chantier se développe sous leurs pieds à quelques mètres de profondeur. Car depuis 15 mois, il y a des travaux, de grands travaux pour relier le nord et le sud, c'est le RER. Et bien sûr, ça provoque des nuisances auprès des riverains. Parce que quand j'ai eu fermé la fenêtre et que je mangeais mon potage, j'ai eu le plat dans mon assiette. Et je me demandais vraiment qu'est-ce que ça pouvait bien s'imaginer, ce plat dans mon assiette. Cette opération, réalisée en plein site urbain, oblige à d'infinies précautions. Les conditions géologiques, la nappe phréatique en particulier, a posé des problèmes, d'où la mise en œuvre de machines très complexes. Ce tunnel, Gare du Nord, Châtelet, Les Halles, sera achevé en décembre 81. L'ouvrage représente une portion de 2,5 km. Il fera gagner un temps considérable aux utilisateurs. Il faudra 4 minutes pour rejoindre le Châtelet et ses correspondances avec le RER. La gare du Nord, enfin toutes les gares maintenant, bon alors la configuration n'était pas du tout la même à l'époque, hein. Il n'y avait pas toutes ces petites boutiques, et l'espace était vraiment libre, on s'adonnait à nos activités de tous les jours, ceux qui dansaient, ils dansaient, ceux qui graffaient, parcouraient les lignes de métro ou des lignes de train pour aller taguer, que ce soit les trains, les RER, les murs, etc. Ceux qui aimaient discuter entre eux, discuter entre eux, et voilà, pas plus ni plus que ce que font n'importe quel jeune ou n'importe quel milieu. Et en déambulant dans les couloirs de gare du Nord, on peut arriver jusqu'à la chapelle. Ce qui se passait, c'est que la chapelle, c'était un lieu mythique, tous les grands étaient passés par là. Parce que je crois que lorsqu'ils avaient cassé, ils avaient laissé des morceaux de carrelage et les gens se débrouillaient, les breakers de l'époque, pour danser là. Donc, voilà, la chapelle, c'était un espèce d'endroit mythique, etc. En réalité, quand on était, c'était un tas de boue. Voilà. Et quand les gens, par exemple, il y avait des tensions, où les gens voulaient se battre, etc., ils ne le faisaient pas à Gare du Nord à l'époque et tout, ils allaient marcher jusqu'à la chapelle pour aller se battre aussi, régler leur compte. Voilà. Pourquoi Pourquoi? Parce que Gare du Nord, c'était trop surveillé malgré tout? Non, à l'époque, ça l'était beaucoup moins qu'aujourd'hui. On n'avait pratiquement pas de caméra. Il n'y avait pas des services de la PAF, ça n'existait pas à l'époque, parce que nous, on les a vus se créer. C'est quoi les services de la PAF? Les arrêts frontières. C'est les premiers qui ont commencé à déambuler dans les métros et dans les trains, avant qu'ils créent les agents ferroviaires, etc. Donc, dans l'ordre des négociations, voilà comment les choses sont déroulées. Donc, il n'y avait personne. Hein. La gare, elle était à tout le monde, à tous les citoyens, nous y compris, même si on était un peu jeunes, un peu bruyants, tout simplement. Donc les gens, quand ils sont brouillés, c'était de mise de dire que les bagarres, ça se passe à la chapelle. Voilà. Au départ, ce qui se passait, c'est qu'on avait des jeunes qui venaient d'absolument tous les horizons et de tous les milieux sociaux. Et ça, que ce soit à Gare du Nord, à Châtelet, à Gare de Lyon, en sous-sol ou en surface, les gens se retrouvaient, ils amenaient des amis, des gens en entendaient parler, par curiosité, ils venaient. Et quand on arrivait, c'est vrai que l'ambiance, elle était... C'est une ambiance bon enfant. Les gens dansaient, c'était des jeunes qui parlaient fort, qui criaient, bien entendu, mais ils dansaient, ils faisaient de l'animation. Il y en avait même qui trouvaient un peu le moyen de se faire un peu d'argent comme ça. C'est petit à petit par la suite que les choses, la situation s'est dégradée. Voilà. Avec l'apparition d'un ancrage plus dur, plus ferme, dans une logique de bande. Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est les années 90? Le début des années 90? C'est la fin des années 80. Ouais. 80. Et puis après, on a assisté périodiquement. À des phases de tension et des phases d'accalmie qui pouvaient durer quelques années avant de reprendre par la suite. Ça pouvait passer et sauter une génération, comme on disait chez nous. Voilà. Donc vous n'avez jamais connu le Midnight Express à la Défense? Très très bien même. Oui, ça c'est l'époque où, en termes de soirée, ça a commencé par des après-midi, comme tous les gamins. Et puis en plus, c'était difficile parce que des boîtes de l'époque et tout ne laissaient pas rentrer tous les petits jeunes du mouvement comme nous, parce qu'ils avaient peur. Alors il n'y avait pas d'histoire au départ, mais ils avaient tout simplement peur. Les gens, ils voyaient plein de blagues comme ça. Donc voilà. Mais beaucoup de boîtes étaient très axées musicalement sur tout ce qui était rap, mouvement hip-hop, etc. Midnight Express, ça donnait sur le parvis de la Défense et il fallait descendre les escaliers très raides d'ailleurs. Et puis après, on rentrait dans la boîte. Oui, c'est une des boîtes mythiques. Il y avait une vie souterraine. Oui, à la Défense, oui, déjà. On ne se rend pas compte, mais dans le sous-sol, il y a beaucoup de gens qui y vivent et tout, des gens qui n'avaient rien à faire à voir avec le milieu des bandes. Hein. Il y avait des gens qui vivaient, des marginaux, des laissés pour compte, etc. Des gens qui fuguaient. Il pouvait aussi y avoir des trafics, bien entendu. Hein. Mais je crois que le problème de Midnight Express, le fait qu'il est fermé après les problèmes qui y sont survenus, c'est parce que les forces d'ordre avaient une grande difficulté à pouvoir appréhender les gens puisqu'ils passaient par tous les garages, etc. Et avec le regain de tension, ils ont fini par prendre une décision drastique, c'est tout simplement de fermer le lieu. Après tout, peut-être que ce n'est pas coupable. Hein. Taquet où tu montes, choisis bien, choisis vite, moisis pas là avec ton bout du monde. Ramène qui tu veux, si t'as personne, sache qu'on est plein, c'est trop oublié dans l'écho du fond. Tu peux attendre le suivant si tu veux, tu sais, reviens seulement si tu le sens. Tu le feras peut-être pas, t'auras oublié ou plus le temps. Des stations comme des villes souterraines, par Christelle Le Polothèque et Anne Fleury. Avec Thomas Galicchio, Marine Buffa, Simon Texier, Lamance Mazou, Philippe Ventejol et Fabrice Lardron. Merci à Adrien Poyati, Julien Noble et à Manuela Dubessy de l'INA. Stagiaire Ada Carcero, lecture Nathalie Canoui, prise de son Fabien Gosset et Claude Nior, mixage Alain Joubert, coordination Perrine Kervran et Marie-Bonne Apollini. Mangez par la ville tout ce qu'elle te doit. Autre part, même refrain. Autre gare, même train. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au terminus, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, des guinguettes aux villes nouvelles. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, une vie, une œuvre, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.